إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc pour introduire ce petit rappel, pour introduire ce rappel, tout d'abord, je vous exhorte ainsi que moi-même à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit dans les versets qui ont précédé, et notamment dans le verset, le premier des versets que j'ai cité, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ya ayyuha alladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih » Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, craignez Allah d'une crainte véridique et ne mourrez qu'en étant musulmans. Et ne mourrez qu'en étant musulmans. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle et nous appelle à le craindre. D'une crainte véridique. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'ont établi les savants, c'est de faire ce qu'Allah a ordonné en se basant sur une lumière venant de lui, par espoir en sa récompense. Et c'est le fait de délaisser ses interdits avec une lumière venant de lui par crainte de son châtiment. Donc, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle contient ces deux choses-là. De faire ce qu'Allah a ordonné en espérant sa récompense, et de s'écarter de ce qu'il a, et de s'écarter de ce qu'il a interdit par crainte de son châtiment. Et tout cela, l'application des ordres et le délaissement des interdits, doit être fait sur une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire avec science. Avec science, tu apprends ce qu'Allah a ordonné pour l'appliquer, et tu apprends ce qu'Allah a interdit pour t'en écarter. Donc cela, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, craignez-le d'une crainte véridique. La crainte véridique, comme l'a dit Ibn Mas'ud, radiallahu anhum, radiallahu anhu, comme l'a dit Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, taqwa Allahi haqqa tuqatih, an yuta'a fala yu'sa, an yuta'a fala yu'sa, wa an yuzkara fala yunsa. أن يذكر ولا ينسى وأن يشكر ولا يكفر. علي ابن مسعود il disait qu'elle comprend ces trois choses là. La crainte véridique d'Allah subhanahu wa ta'ala, أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. C'est-à-dire que la crainte véridique c'est de lui obéir et de ne pas lui désobéir. Et de se rappeler de lui, de l'évoquer, et de ne pas l'oublier. Et c'est d'être reconnaissant envers lui, et d'éviter l'ingratitude. C'est cela la crainte véridique d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de lui obéir. C'est de lui obéir, de l'évoquer abondamment, et d'être reconnaissant pour ses bienfaits. D'être reconnaissant envers lui pour les bienfaits qu'il nous accorde. Et à l'opposé de cela, on doit délaisser sa désobéissance et on doit délaisser l'oubli d'Allah et la négligence vis-à-vis de lui et on doit délaisser l'ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième des choses, la deuxième des exhortations, dans cette introduction que je voulais vous faire et que je me fais à moi-même également, c'est de nous accrocher au Coran et à la Sunna. De s'accrocher au Coran et à la Sunna et à la voix des salaf salih, des pieux prédécesseurs, parmi les compagnons, les tabi'oun wa atba'u tabi'in. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ. Et tous ceux qui les ont suivis convenablement parmi les savants de l'islam. Nous devons nous accrocher à cela. Nous devons nous accrocher au livre d'Allah. Nous devons nous accrocher à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous devons nous accrocher à la voix des pieux prédécesseurs. Et c'est dans cela qu'il y a notre salut. Et c'est dans cela qu'il y a notre bonheur, sur terre et dans l'au-delà. Et nul ne peut obtenir le salut, et nul ne peut obtenir le bonheur, si ce n'est à travers cela. À travers le livre d'Allah, à travers le suivi et l'attachement ferme au livre d'Allah, et à la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et à la voix des pieux prédécesseurs. Et nous devons délaisser tout ce qui contredit cela. Tout ce qui contredit le Coran, tout ce qui contredit la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout ce qui contredit la voix des pieux prédécesseurs, tout cela nous devons le délaisser. Même si à nos yeux, il nous apparaît que ces choses-là sont un bien. Car comme disaient les savants de l'islam, et notamment l'imam Malik, rahimahullah, qui disait, celui qui fait une innovation, man ibtada'a bid'atan, wa ra'aha hasana, fa ka'annahu yaqul inna Muhammadan khana ar-risala. Celui, l'imam Malik disait, celui qui fait une innovation, et qu'il la trouve bien, c'est comme s'il prétendait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message divin. Pourquoi cela? Il dit l'imam Malik, لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la traduction rapprochée du sens du verset, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Et j'ai accompli mon bienfait entier à votre égard. Et j'agréerai l'islam comme religion pour vous. Fama lam yakun yawma idhin dinan, falaysa yawma dina. Donc, ce qui ne faisait pas partie de la religion à l'époque, yani à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, ce qui ne faisait pas partie de la religion à l'époque n'en fait pas partie aujourd'hui. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset, il nous fait très bien comprendre qu'il a parachevé la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'ait compléter la religion, de sorte qu'il n'y a rien, il n'y a rien besoin de rajouter, il n'y a rien besoin d'enlever. Mais la religion telle qu'elle était au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, c'est cela la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée pour l'humanité tout entière. Et c'est la seule religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée pour toute l'humanité. Inna ad-din 'inda Allah al-Islam. Certes, la religion auprès d'Allah est l'islam. Et également dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: "Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan, falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Et quiconque désire une religion autre que l'islam, eh bien, cela ne sera pas accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Qu'Allah nous en préserve et qu'Allah nous affermisse sur l'islam jusqu'à notre mort, jusqu'à ce que nous revenions vers lui. Après cette brève introduction, nous allons rentrer dans le vif du sujet, qui est le rappel d'aujourd'hui sur l'importance de la recherche de la science. L'importance de la recherche de la science. Car la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous avons citée précédemment, comme nous avons dit, elle ne peut s'obtenir et elle ne peut être appliquée qu'avec science, qu'avec la science. Comment tu veux obéir à Allah subhanahu wa ta'ala alors que tu ne sais pas ce qu'il t'a ordonné? Comment tu veux t'écarter des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que tu ne sais pas ce qu'il t'a interdit? Ceci demande d'apprendre, d'étudier ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et comment les sahaba radiallahu anhum et les savants de l'islam qui les ont suivis convenablement, comment ils ont expliqué cela? Comment ils ont expliqué le livre d'Allah? Comment ils ont expliqué la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Et comment ils ont appliqué cela? Donc nous devons apprendre pour pouvoir craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, l'attachement au Coran et à la sunna et à la voie des salaf demande d'apprendre le Coran. Et d'apprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'apprendre les paroles et les actes et les positions et les comportements des pieux prédécesseurs. Afin que nous-mêmes, nous puissions suivre leurs traces. Nous devons apprendre tout cela. D'où l'importance de la science et de la recherche de la science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a très bien dit dans le hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim: Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fid din. Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fid din. Quiconque à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Il lui donne la connaissance de la religion. Et comme disaient beaucoup de savants, et notamment Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il disait ce hadith, Naam, Dans ce hadith, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui à qui Allah veut du bien, il va lui donner la connaissance dans la religion. Et Cheikh Ibn Baz, il disait, donc, à l'opposé, on comprend de cela que celui, que celui à qui Allah ne veut pas de bien, il ne va pas lui donner la connaissance de la religion. Donc l'ignorant qui se satisfait de son ignorance, yani, c'est un des signes, c'est un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas voulu du bien. Donc si nous sommes ignorants, et s'il y a des choses dont que nous ignorons, ça doit nous pousser, ce hadith doit nous pousser à aller les rechercher, à aller rechercher la science, pour sortir de cette ignorance. Car c'est cela le but de l'apprentissage. Le but de l'apprentissage, c'est de sortir de notre ignorance pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, pour connaître ce qu'Allah attend de nous, afin que nous puissions l'adorer avec science et clairvoyance. C'est cela le but de la science. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a faj'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères. Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères alors que vous ne connaissiez rien. Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères alors que vous ne connaissiez rien. Puis il vous a accordé l'ouïe, la vue et les cœurs. Peut-être serez-vous reconnaissant. Nous revenons à la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, au fait d'être reconnaissant envers Allah. Car être reconnaissant envers Allah, il y a beaucoup de manières d'être reconnaissant envers Allah. Ce n'est pas juste en disant Alhamdulillah qu'on a quelque chose de bien. Mais c'est en utilisant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme bienfait, que ce soit la santé, ou que ce soit des choses qui ont attrait à notre corps, ou que ce soit des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, et des facilités qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre. Toutes ces choses-là, nous devons les utiliser dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans ce qu'il agrée. C'est cela la reconnaissance envers Allah. Et la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, telle qu'elle est citée dans ce verset, lorsqu'il dit, il vous a fait sortir du ventre de vos mères alors que vous ne connaissiez rien, puis il vous a accordé l'ouïe, la vue et les cœurs, peut-être serez-vous reconnaissant. Yani, c'est pour que nous soyons reconnaissants pour ces trois bienfaits, qui sont les bienfaits de l'ouïe, afin que nous écoutions et que nous entendions ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que les pieux prédécesseurs ont dit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'ouïe afin qu'on entende et qu'on écoute sa parole et la parole de son prophète et toute bonne parole qui est dite par les savants. Et également la vue. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la vue afin que nous puissions lire le livre d'Allah, que nous puissions lire les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, afin que nous puissions lire ce que les savants ont écrit. Et il nous a également donné les cœurs. Ah, le cœur. Qui est quoi? Le cœur qui est le récipient. Le cœur qui est le récipient de la science. Les deux choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citées auparavant, l'ouïe et la vue, l'ouïe et la vue, ce sont quoi? Ce sont les chemins. Ce sont les chemins par lesquels la science nous parvient. La science, soit tu l'entends, ou soit tu la vois. Soit tu l'entends, soit tu la vois. D'accord? Donc ça, ce sont les chemins qui ramènent la science ou ça au récipient qui est le cœur. Car la science, elle se trouve dans le cœur. La science, elle se trouve dans le cœur et non pas dans le cerveau comme certains pourraient le penser. Et c'est pour cela que dans le verset, Allah a dit, et également les cœurs. Il vous a accordé l'ouïe, la vue et les cœurs. Et les cœurs, afin que quoi? Afin que tu puisses comprendre ce que tu as vu et ce que tu as entendu. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les cœurs, afin que nous puissions comprendre ce que nous lisons et ce que nous entendons comme parole de science. Donc nous devons être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ces trois bienfaits. L'ouïe et la vue qui sont les chemins qui ramènent la science à nous, et également le cœur qui est le récipient où va se retrouver et se regrouper toute la science que nous aurons emmagasinée tout au long de notre vie. Et également parmi les choses qui montrent le mérite de la science islamique, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. C'est-à-dire, Allah élèvera les croyants parmi vous et ceux qui ont de la science à des degrés au-dessus. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il dit clairement que déjà d'une, il élève les croyants par rapport au reste de l'humanité qui est parmi les mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala, il élève les musulmans et les croyants au-dessus des autres créatures. Et parmi les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala, il élève les gens de science au-dessus encore. Donc celui qui emprunte un chemin vers la science, Allah subhanahu wa ta'ala, si cette personne le mérite, Allah subhanahu wa ta'ala l'élèvera en degré au-dessus de toute l'humanité. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمِ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. Rapporté par Bukhari et Muslim. Ce hadith azim, un hadith immense qui contient beaucoup d'enseignements. Tout d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan ila al-janna. Quiconque emprunte un chemin par lequel il va rechercher la science, Allah lui fera emprunter un chemin vers le paradis. Car certes, le chemin du paradis, le chemin du paradis ne peut être emprunté que par le chemin de la science. On ne peut accéder au paradis que par la science, que par la connaissance d'Allah et la connaissance de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui veut aller au paradis, qu'il emprunte le chemin de la connaissance, qu'il apprenne la religion d'Allah pour savoir ce qu'Allah attend de lui, afin de l'appliquer, et pour savoir ce qu'Allah ne veut pas de lui, pour qu'il le délaisse. Puis ensuite, dans le hadith, le prophète sallam nous dit: certes, les anges abaissent leurs ailes pour l'étudiant en science, en agrément de ce qu'il fait. les anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés, ils abaissent leurs ailes en agrément à celui qui recherche la science. Donc toi qui es en train, toi qui chemines et qui emprunte un chemin vers la science, sache que les anges abaissent leurs ailes par agrément pour ce que tu fais et par modestie et par humilité devant toi. Et ceci montre le respect que les anges ont pour Talib al-Ilm, pour l'étudiant en science. Puis ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et certes le savant, tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre implore le pardon pour lui, jusqu'à même les poissons dans la mer. Tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala implorent le pardon pour le savant. Celui-là qui a emprunté un chemin vers la science, en voulant donc chercher le paradis, puis il a réellement appris la religion jusqu'à devenir un talib al-ilm. Donc les anges ont abaissé leurs ailes par respect envers lui jusqu'à ce qu'il a... Il a appris jusqu'à devenir un savant. Et une fois qu'il est arrivé au stade de savant, tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre implore le pardon pour lui. Tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, toutes les créatures, animées et inanimées, implorent le pardon pour le savant. Puis ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous dit: et la supériorité du savant sur le simple adorateur est semblable à la supériorité de la lune par rapport à toutes les autres étoiles. Yani, dans la nuit, lorsqu'il fait noir, puis que tu vois la lune qui vient t'éclairer, afin que tu saches où tu marches dans les ténèbres de la nuit, elle a une lumière éclatante qui surpasse la lumière des étoiles. Lorsqu'il n'y a pas de lune, par exemple, lorsque c'est la nouvelle lune, par exemple, il y a beaucoup moins de luminosité dans les chemins. Mais lorsque la lune apparaît, et surtout lorsqu'elle est pleine, la pleine lune, alors là, tout est éclairé. Enfin, également, le savant vient éclairer les ignorants afin qu'ils sachent où marcher, afin qu'ils ne tombent pas dans un trou, afin qu'ils ne tombent pas dans un égarement. C'est cela la supériorité du savant par rapport au simple adorateur. Le savant, il profite pour lui-même et il fait profiter aux gens. Alors que le simple adorateur, son adoration ne profite qu'à lui-même. Puis ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous dit: certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes m'ont laissé en héritage. Et les prophètes m'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham. Les prophètes m'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham. mais ils ont laissé la science. Donc quiconque l'apprend, quiconque prend la science, il aura certes pris une chose énorme. Et juste la fin de ce hadith suffit pour encourager, pour motiver la personne à aller apprendre la science, pour essayer de rentrer dans ce hadith et de faire partie des héritiers des prophètes. Et c'est le meilleur des héritages, la science. La science est le meilleur des héritages. Comme disait Cheikh Hafiz al-Hakami, rahimahullah, dans son poème intitulé Al-Mimiyya, Al-Mimiyya fil wasaya wal-nasaih wal-adab al-ilmiyya, il disait Al-ilmu wallahi mirath al-nubuwati la ميراث يشبهه طوبى للمقتسم لأنه إرث حق دائم أبدا وما سواه إلى الإفناء والعدم. يعني la science c'est l'héritage de يعني c'est l'héritage de la prophétie. نعم il dit la science est l'héritage de la prophétie. نعم العلم ميراث النبوة لا ميراث يشبهه طوبى للمقتسم. Il n'y a aucun héritage. Il n'y a aucun héritage qui quoi? Yani qui peut lui ressembler. C'est le meilleur des héritages. Donc ensuite il te dit bienheureux pour celui qui en aura pris une part. Ensuite il te dit, il t'explique la raison pourquoi la science c'est le meilleur des héritages. C'est meilleur que d'hériter des millions et des milliards. Pourquoi il te dit ça? Il te dit لِأَنَّهُ إِرْثُ حَقٍّ دَائِمٍ أَبَدًا. Parce que c'est un héritage véritable, véridique et qui est perpétuel. Il ne se finit jamais. La science, elle ne se finit jamais. Elle ne périt jamais. Contrairement, Naam, yani, il te dit, quant aux autres choses, وَمَا سِوَاهُ إِلَى الْإِفْنَاءِ وَالْعَدَمِ. Quant aux autres choses, yani, ça finit par quoi? Par disparaître. Ça finit par disparaître. Lorsque tu as de la science, lorsque tu as emmagasiné de la science et que tu as réussi à hériter d'une partie de la science, une partie de l'héritage des prophètes, nam, cette science, elle va rester avec toi jusqu'à ta mort. Mais si tu hérite de l'argent, cet argent tu vas le dépenser jusqu'à ce que quoi? Il va se terminer, il va se finir. Et également, parmi les hadiths qui nous montrent l'importance de la recherche de la science, un hadith immense dans lequel, rapporté par Bukhari et Muslim également, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'exemple de ceux l'exemple de ceux avec quoi Allah m'a envoyé comme guidé et comme science, l'exemple de ceux avec quoi Allah m'a envoyé comme guidé et comme science est comme une pluie abondante qui est tombée sur une terre. C'est comme une pluie abondante qui est tombée sur une terre. Une partie de cette terre, c'est une terre fertile qui a accepté l'eau, hein, qui a absorbé l'eau et qui a fait sortir et qui a fait pousser la végétation et la verdure abondante. Et il y avait une autre partie de cette terre, hein, il y avait une autre partie de cette terre qui n'était pas fertile, mais qui a quand même absorbé l'eau. Qui a quand même absorbé l'eau, de sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par ça, par cela, il a fait profiter aux gens, de sorte que les gens ont pu boire de cette eau, et ils ont pu abreuver, et utiliser cette eau pour cultiver. Et il y avait une troisième partie de cette terre qui est quoi? Qui est une terre stérile, une terre aride, qui ni elle n'a absorbé l'eau et ni elle n'a fait pousser de végétation. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à la fin de ce hadith, cela est l'exemple de celui qui a appris la religion d'Allah et qui a profité de ce avec quoi Allah m'a envoyé. Donc il a su, puis il a enseigné. Et c'est également l'exemple de celui qui n'a pas prêté attention à cela et qui n'a pas accepté la guidée d'Allah avec laquelle j'ai été envoyé. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait ressembler la science et la guidée avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé à une pluie abondante qui tombe sur une terre. Et cette terre, elle se divise en trois. Cette terre, elle se divise en trois. Une partie qui absorbe l'eau et qui fait pousser la végétation. Une deuxième partie qui absorbe l'eau, même si elle ne fait pas pousser de végétation. Et une troisième partie qui n'absorbe même pas l'eau et qui ne fait pas pousser de végétation. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que quoi? Que ça c'est l'exemple de celui qui a appris la religion et qui en a profité et en a fait profiter aux gens. Et l'exemple de celui qui n'a pas prêté attention à cela et qui s'est détourné et qui n'a pas accepté la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et la guidée d'Allah. Et les gens, comme les ulama ont expliqué ce hadith, ils ont dit: la première terre, qui est la terre stérile, la terre fertile, qui est la terre fertile, qui absorbe l'eau et qui fait pousser la végétation, ils ont dit, ça c'est l'exemple de quoi? Des savants qui ont appris et mémorisé le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est une image pour l'absorption de l'eau, donc qui est la mémorisation du Coran et de la sunna et de la science. Et ils ont fait profiter aux gens en enseignant aux gens et en retirant de cette science qu'ils ont mémorisée, ils en ont tiré les quoi? Les al-ahkam al-shar'iyya, c'est-à-dire les règles religieuses. Ils en ont retiré les règles religieuses. Ils ont mémorisé le Coran, ils ont mémorisé la sunna, puis ils en ont fait des istinbat. Ils ont fait l'istinbat, ce qu'on appelle l'istinbat, c'est-à-dire retirer et extirper les règles religieuses directement des textes du Coran et de la Sunna. Donc ça, c'est la première des terres qui est un exemple par rapport à ces savants-là qui ont mémorisé le Coran et la Sunna et qui en ont extirpé les règles religieuses, puis en ont fait profiter aux gens et en ont profité eux-mêmes également pour eux-mêmes. Et la deuxième terre, celle qui a simplement absorbé l'eau, ils ont dit, ça c'est l'exemple des savants qui ont mémorisé. L'exemple des savants qui ont mémorisé le hadith, le Coran et, et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la science, et qui n'ont pas, mais qui n'ont pas qui n'ont pas la puissance et la force des premiers savants dans l'extirpation des quoi des règles religieuses. Donc eux, ils ont mémorisé, et quand tu viens et que tu leur demandes sur des choses, ils te donnent les versets, ils te donnent les hadiths, mais ils n'ont pas la force d'istinbat, ils n'ont pas la force d'istinbat, ils n'ont pas la force d'interprétation des premiers savants. C'est comme ça que les ulama ont expliqué ce deuxième exemple. Et le troisième exemple, taban, la terre qui n'a ni accepté l'eau, ni absorbé l'eau, ni fait pousser de végétation, ils ont dit ça c'est l'exemple de celui qui s'est détourné de la science religieuse. Ni il n'a mémorisé du Coran et des hadiths, et ni donc s'il n'a rien mémorisé, il ne peut rien donner. Comme a قالت العرب فاقد الشيء لا يعطيه. Celui qui n'a pas une chose ne peut pas la donner. Comme on dit les Arabes. Celui qui n'a pas une chose ne peut pas la donner. Donc voilà en résumé l'explication de ce hadith. Ensuite, maintenant que l'on a su les mérites, maintenant que l'on a connu les mérites de la science religieuse, quel est le statut de la recherche religieuse en islam? Est-ce que la recherche de la science est une obligation, ou est-ce que c'est un acte simplement recommandé, ou bien est-ce que ce n'est qu'un acte licite, simplement licite? Sur cela, Cheikh Ibn Uthaymin, il dit dans Kitab al-Ilm, dans un livre à lui qui s'appelle Kitab al-Ilm, il dit, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, طلب العلم الشرعي فرض كفاية إذا قام به من يكفي صار في حق الآخرين سنة. Donc il dit, la recherche de la science religieuse, la science islamique, est une obligation sur une partie de la communauté. La recherche de la science islamique est une obligation sur une partie de la communauté. S'il y a un nombre suffisant de personnes qui s'en occupent, de cette obligation, s'il y a une partie de la communauté qui s'en occupe, eh bien, après, pour le reste de la communauté, ça reste un acte recommandé. Puis, le shir, il dit, et il se peut, وَقَدْ يَكُونُ طَلَبُ الْعِلْمِ وَاجِبًا عَلَى الْإِنسَانِ عَيْنًا أي فرض عين وضابطه أن يتوقف عليه معرفة عبادة يريد فعلها أو معاملة يريد القيام بها فإنه يجب عليه في هذه الحال أن يعرف كيف يتعبد لله بهذه العبادة وكيف يقوم بهذه المعاملة وما عدا ذلك من العلم ففرض كفاية وينبغي لطالب العلم أن يشعر نفسه وينبغي عفوا là je vais m'arrêter deux secondes pour traduire ce passage. Donc il dit, il se peut que la recherche de la science soit obligatoire sur chaque personne. Et cela, il dit le shir, à quel moment? Lorsque la personne va devoir faire une adoration. Lorsqu'une personne va devoir faire une adoration, il va devoir apprendre comment faire cette adoration. Ou bien, lorsqu'il va devoir faire une transaction, Afwan. Je disais, ou bien lorsqu'il va devoir faire une transaction, il va devoir apprendre comment il va accomplir cette transaction. Que ce soit une transaction commerciale ou que ce soit quelque chose qui est quelque chose ayant trait aux relations familiales, comme le mariage et le divorce, etc. Donc à ce moment-là, il va devoir apprendre comment il va adorer Allah ou comment il va faire cette transaction ou cet acte faisant partie des relations familiales. Et autre que cela, c'est-à-dire autre que les adorations que la personne veut faire et autre que les transactions que la personne veut faire, autre que cela, elle reste, reste une obligation sur une partie de la communauté et non pas sur toute la communauté. Et c'est pour cela que beaucoup de savants, ils disent que la science, elle se divise en deux. Une science qui est obligatoire pour tout musulman et une science qui est obligatoire sur une partie des musulmans. Et la science qui est obligatoire sur tous les musulmans, c'est la science, et la connaissance de la connaissance des choses indispensables dans sa religion, comme les bases de la croyance islamique, comme les bases des adorations islamiques. Que tout musulman doit faire, comme la prière, comme le jeûne du Ramadan, etc. Et toutes les adorations que la personne va devoir faire. Tout cela, c'est quoi? C'est la science obligatoire sur tout musulman. Et après, tout ce qui est en dehors de cela, tout ce qui est en dehors de cela, ce n'est pas une obligation pour tout musulman d'aller apprendre, d'aller l'apprendre. Par exemple, les règles d'héritage. Par exemple, les détails, tous les détails de quoi? Des questions de divorce, etc. Tout ce qui concerne, par exemple, les règles du djihad. Donc, tout ce genre de choses, ce n'est pas une obligation pour tout musulman de les apprendre. Si une partie suffisante de la communauté se consacre à apprendre ces choses-là, les règles d'héritage, les règles en détail ça, du divorce ou bien les règles du djihad, si une partie suffisante de la communauté s'en occupe, ce n'est plus une obligation sur le reste de la communauté, mais ça reste un acte recommandé pour les autres. Ensuite, Cheikh il dit, Cheikh Ibn Uthaymeen, وَيَنْبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يُشْعِرَ نَفْسَهُ أَنَّهُ قَائِمٌ بِفَرْضِ كِفَايَةٍ حَالَ طَلَبِهِ لِيَحْصُلَ لَهُ ثَوَابُ فِعْلِ الْفَرْضِ Et il incombe à l'étudiant en science de prendre conscience qu'il est en train d'accomplir une obligation, qu'il est en train d'accomplir une obligation sur une partie de la communauté. Il faut qu'il ait conscience de cela lorsqu'il recherche la science, afin d'obtenir la récompense de celui qui fait un acte obligatoire, en plus du fait qu'il va obtenir la science. Donc il va obtenir la science et il va obtenir la récompense de cette science. Puis ensuite le cheikh il dit: "Wala shakka anna talab al-ilmi min afdal al-a'mal bal huwa min al-jihad fi sabilillah." Il dit: "Il n'y a aucun doute que la recherche de la science fait partie des meilleurs actes, fait partie des meilleures œuvres. Et carrément, ça fait partie du combat et de la lutte dans le sentier d'Allah. La recherche de la science, il dit, le shir, fait partie de la lutte dans le sentier d'Allah. Wala siyama fi waqtina hadha, hina bada'at al-bid'a tadhharu fi al-mujtama' al-islami wa tantashiru wa takthur. Wa bada'a al-jahl al-kathir mimman yatatalla'u ila al-ifta' bi ghayri 'ilm. Wa bada'a al-jadal min kathir min an-nas. فهذه ثلاثة أمور كلها تحتم على الشباب أن يحرص على طلب العلم. أولاً بدع بدأت تظهر شرورها، ثانياً أناس يتطلعون إلى الإفتاء بغير علم، ثالثاً جدل كثير في مسائل قد تكون واضحة لأهل العلم، لكن يأتي من يجادل فيها بغير علم. Donc le cheikh il dit ensuite. Surtout à notre époque, lorsqu'il a dit que la science fait partie du combat dans le sentier d'Allah, ils disent surtout à notre époque. Surtout à notre époque dans laquelle les innovations ont commencé à apparaître dans les sociétés musulmanes et se sont propagées et se multiplient. Les innovations se multiplient et se propagent dans les sociétés musulmanes. Et l'ignorance, la grande ignorance a commencé également avec des gens avec des gens qui se précipitent à faire des fatwas sans science. Et également, yani, on commence à voir de plus en plus des gens qui viennent polémiquer sans science. Ensuite, le Cheikh, il dit, ce sont trois choses qui montrent, yani, qu'il est indispensable que les jeunes fassent des efforts dans la recherche de la science. Premièrement, des innovations dont les mots commencent à apparaître de plus en plus. Deuxièmement, des gens qui s'empressent à faire des fatwas sans science. Et troisièmement, les grandes polémiques dans des questions qui sont certes claires pour les gens de science, mais des personnes viennent polémiquer dans ces questions-là sans science et sans connaissance. Donc ensuite, le cheikh il termine ce passage en disant: فمن أجل ذلك فنحن في ضرورة إلى أهل العلم إلى أهل علم عندهم رسوخ وسعة اطلاع وعندهم فقه في دين الله وعندهم حكمة في توجيه عباد الله لأن كثيرا من الناس الآن يحصلون على علم نظري في مسألة من المسائل ولا يهمهم النظر ولا يهمهم النظر إلى إصلاح الخلق وإلى تربيتهم وأنهم إذا أفتوا بكذا وكذا صار وسيلة إلى شر أكبر لا يعلم مداه إلا الله. الله أكبر. Le Cheikh il termine ce passage en disant: c'est pour tout cela que je pour les raisons que je viens de citer, c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui dans une nécessité d'avoir des gens de science qui sont bien enracinés dans la science et qui ont une large connaissance et qui ont la compréhension de la religion d'Allah et qui ont de la sagesse dans l'éducation des créatures. Car beaucoup de gens aujourd'hui, certes, ils obtiennent quelques connaissances dans une question parmi les questions de la science, et ils ne prêtent pas attention à quoi? Au fait de corriger les créatures et de les éduquer, et que si jamais ils font certaines fatwas, s'ils font telle ou telle fatwa, ces gens-là ne se rendent pas compte que s'ils font telle ou telle fatwa, ceci sera un chemin qui va ramener un grand mal dont personne ne connaît la limite à part Allah. Le cheikh il dit là que quoi qu'il y a des personnes, certes ils ont certaines connaissances, ils connaissent quelques petites choses, mais ils n'ont pas assez de connaissances et assez de science pour pouvoir se rendre compte que s'ils font telle ou telle fatwa, ça va ramener un grand mal. Et c'est ainsi que se termine la parole de Cheikh Ibn Uthaymin que je voulais vous rapporter. Donc, et c'est bientôt fini, de manière générale, comme le Cheikh a dit, la recherche de la science est une obligation sur une partie de la communauté. Mais dans certains cas, ça devient une obligation pour chaque personne de la communauté, comme nous avons expliqué, pour connaître les bases de sa religion. La connaissance des bases de la religion est une obligation pour tout musulman. Comme dans le hadith rapporté par Ibn Majah et que Cheikh Al-Albani rahimahullah a authentifié, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. La recherche de la science est une obligation sur tout musulman, c'est-à-dire la recherche de la science obligatoire, qui est la science des bases de la religion. Naam. Mais sinon, en dehors de cela, la recherche de la science est une obligation sur une partie de la communauté, comme les savants l'ont expliqué. Et les savants citent pour cela, comme preuve, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. يعني ils n'incombent pas à tous les croyants d'aller à la recherche de la science, ou plutôt afwan, yani, parce que yani, dans l'explication même de ce verset il y a une petite divergence, même si tous sont d'accord sur c'est une divergence qu'on appelle en arabe irtilaf tanawwu' wa laysa irtilaf tadad, yani c'est une divergence où tous les avis sont bons, et ce n'est pas une divergence dans laquelle les avis se contredisent les uns les autres. Donc dans ce verset, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit de manière générale, et après il y a une divergence. Il a dit exactement quel est le nafar qui est cité dans ce verset. Donc c'est pour cela, dans la traduction, ils sont restés plus généraux. Ils ont dit, dans la traduction du Mujamma' du complexe du roi Fahd, qui édite le Coran, ils ont dit, les croyants n'ont pas tous à quitter leur foyer. Les croyants n'ont pas tous à quitter leur foyer. Pourquoi de chaque clan, quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, les croyants n'ont pas tous à quitter leur foyer. Hein? Il n'est pas demandé à tous les croyants de quitter leur foyer. Puis ensuite il dit, pourquoi de chaque clan, quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion? Donc il dit que c'est quelques hommes de chaque tribu, de chaque contrée, c'est quelques hommes de chaque contrée qui doivent venir s'instruire dans la religion. Et ce n'est pas tous. Il n'est pas demandé à tous les hommes de chaque contrée de venir apprendre la religion. Donc il dit, pourquoi de chaque clan ou de chaque contrée, quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde. Donc c'est quelques hommes, donc une partie de chaque contrée, quelques hommes de chaque contrée sont partis pour aller apprendre la religion. Et c'est quoi le but pour lequel ils sont partis apprendre leur religion? Déjà d'une, c'est pour enlever leur ignorance à eux-mêmes. Mais c'est pour pouvoir ensuite avertir leur peuple. Yani, pour pouvoir ensuite enseigner ce qu'ils ont appris. Pour pouvoir enseigner ce qu'ils ont appris. Et c'est un des deuxièmes buts de la recherche de la science. Qui est quoi? Qui est qu'on va rechercher la science, on va aller apprendre la science pour pouvoir ensuite l'enseigner à ceux qui en ont besoin. Parmi les gens de notre contrée. Parmi les gens de notre peuple. Pour que, également, de la même façon que nous connaissions, nous partons apprendre la science pour connaître ce qu'Allah veut de nous et ce qu'il ne veut pas de nous, de la même façon, lorsque nous allons retourner vers notre peuple, nous allons leur enseigner ce que nous avons appris pour que eux également sachent ce qu'Allah attend d'eux et ce qu'il ne veut pas d'eux. Donc c'est un des versets et une des preuves que les savants citent pour dire que la recherche de la science n'est pas une obligation sur tout musulman. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire sur tout musulman de quitter chez lui pour aller apprendre la science. Et si vous méditez bien sur ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala par là, il nous montre bien que la recherche de la science, elle demande quoi? Elle demande de quitter son foyer. Elle demande de partir étudier. Et de partir auprès des gens de science. Donc la science ne se prend qu'auprès des gens de science. Elle ne se prend pas des ignorants. Elle ne se prend pas des autodidactes. Certes, quelqu'un qui a quelques connaissances, il a lu quelques livres, il a écouté quelques cassettes, Nam, il peut t'aider, il peut te conseiller, il peut, Nam, Yanni, te, Yanni, il peut t'aiguiller, Nam, mais ce n'est pas une référence. Cette personne n'est pas une référence. Car la référence, ce sont les savants. La référence, ce sont les savants. Et pas n'importe quel savant. Car il y a des savants de l'égarement. Il y a des gens qui ont de la science, qui sont des savants. Mais malheureusement, qui ont de la science dans quoi? Dans l'égarement. Et dans le faux. Et le meilleur exemple de cela, l'exemple, yani le plus connu et le plus évident à tout le monde parmi les gens de la Sunna, c'est l'exemple de Youssouf el-Qardaoui. Youssouf. Youssouf el-Qardaoui. Youssouf el-Qardaoui, c'est quelqu'un qui a de la science. C'est quelqu'un qui a de la connaissance. Mais malgré cela, il a de la science dans l'égarement. Il a de la science dans l'égarement. Et les réfutations des savants à son égard sont nombreuses. Walillahil hamdi wal minna. Donc celui qui veut plus de détails, il pourra retrouver dans les paroles des savants les répliques détaillées à Youssouf el-Qardaoui. Donc, ceci est une chose que nous devons savoir, que la science doit aller se prendre auprès des savants et auprès des savants de confiance, les savants de la Sunna, connus, connus pour leur science, connus pour la clarté de leur manhaj et reconnus chez les autres savants de la Sunna. Car aujourd'hui, malheureusement, comme Cheikh El-Uthaymin nous a dit tout à l'heure, les innovations se multiplient et les gens de l'innovation déploient tous leurs efforts pour propager leurs innovations. Et certes, comme est venu dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu faftaw bighayri 'ilm fadallu wa adallu. Rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous dit: certes, Allah ne prend pas la science en l'arrachant des cœurs des gens, des cœurs des hommes, mais il prend la science en prenant les savants, en faisant mourir les savants, jusqu'à ce qu'il ne laisse plus aucun savant. À ce moment-là, les gens prennent à leur tête des ignorants. À ce moment-là, les gens prennent à leur tête des ignorants. Qui sont interrogés, qui sont questionnés, et qui font des fatwas sans science, et qui par là, ils s'égarent, et ils égarent les gens. Et subhanallah, c'est ce que nous sommes en train de vivre, malheureusement. Nous avons perdu beaucoup de grands savants ces dernières années. Nous avons perdu beaucoup de grands savants. Le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Le Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Le Cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymin, rahimahullah. Le Cheikh Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i, rahimahullah. Le Cheikh Qablahum, le Cheikh Mohammed Aman Al-Jami. والشيخ أحمد بن يحيى النجمي والشيخ عبد الله بن غديان رحمهما. Puis à la suite de la mort de ces savants, on a trouvé des gens d'innovation qui ont profité de l'occasion pour semer la discorde et pour perturber et pour troubler les gens de la sunna qui veulent s'accrocher à la sunna et à la voie des salafs. On a trouvé des gens s'apparentant au manhaj des salafs qui ont détruit et ont essayé de détruire. On ne dit pas qu'ils ont détruit, car alhamdoulilah, ce manhaj est préservé par Allah, mais qui ont essayé de détruire ce manhaj. Ce manhaj rabbani. Ils ont essayé de détruire ce manhaj divin. Et ils ont perturbé les salafis. Et ils ont divisé les salafis par leurs mensonges. Et par leurs mauvaises intentions, et par les innovations qu'ils ont propagées, et par les règles innovées qu'ils ont propagées. Donc nous devons faire attention. Comme dit Cheikh Al-Fawzan, rahimahullah, Al-Waqt al-An, ya ibadallah, al-Waqt fitan. Aujourd'hui, nous vivons une époque de fitan, une époque de grand trouble. Ne soyez pas négligent vis-à-vis de votre religion. Ne soyez pas insouciant vis-à-vis de votre religion. Faites attention à qui vous écoutez. Faites attention de qui vous prenez votre science. Inna hadha al-ilma din. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Cette science est une religion. Faites attention de qui vous prenez votre religion. Comme disait Mohammed ibn Sirin. Wa ghayruhu min al-salaf. Brièvement, je vais vous citer quelques petits points qui sont importants dans la recherche de la science, qui font partie du comportement de l'étudiant en science. Petit 1, l'ikhlas, la sincérité. La sincérité dans la recherche de la science. On ne recherche la science que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est notre seule motivation. À travers la recherche de la science, c'est quoi? C'est d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas pour que les gens disent de nous, un tel est savant ou un tel connaît. Petit 2, as-sidq, la véracité. D'être véridique dans la recherche de la science. D'être véridique dans la recherche de la science. Rechercher la science véritablement. Et non pas faire semblant de rechercher la science. Apprendre véritablement. Et ceci nous amène au petit 3. Qui est « El-jidd wal-ijtihad fi talab al-ilm ». Les efforts et le sérieux. Naam. Le sérieux et les efforts dans l'apprentissage. Le sérieux et les efforts dans l'apprentissage. La yunalu al-ilmi bi rahati, la yunalu al-ilmu bi rahati al-jasad. La science ne s'obtient pas avec le repos du corps. La science ne s'obtient pas avec le repos du corps. Petit 4, at-tawadu', la modestie. La modestie et l'humilité. La modestie et l'humilité dans la recherche de la science. Tu es humble. Dans la recherche de la science, tu es modeste. Tu ne prétends pas connaître, alors que tu ne connais que très peu. Petit 5. Al-hifz wal-muraja'a. La mémorisation et la révision de cette mémorisation. La mémorisation et la révision de ceux que tu as mémorisés. Également, ça fait partie des choses importantes pour talab al-ilm. Fa innama al-ilm الذي تحفظه. Ta science, ce n'est pas ce que tu as écrit dans ton cahier. La science, ce n'est pas ce que tu as écrit dans ton livre. La science, c'est ce que tu as mémorisé et que tu as gardé. C'est ça ta science. La science que tu as, c'est ce que tu as dans ton cœur. Nous avons dit tout à l'heure, au début du cours, nous avons dit, au début du rappel, nous avons dit que quoi ? Que la science, Nam, c'est quoi son récipient ? C'est le cœur. Le récipient de la science, c'est le cœur. Donc la science, c'est ce que tu as mémorisé. Ce que tu as mémorisé qui est venu, Nam, s'ancrer dans ton cœur. De sorte que lorsque tu veux t'en rappeler, Nam, ou lorsque tu veux le citer, Afwan, de sorte que lorsque tu veux le citer, ça sort directement. Tu n'as pas besoin de dire, je dois retourner à mon livre, je dois retourner à mon cahier. C'est ça ta science, c'est ça ta connaissance, c'est ce que tu as mémorisé, comme nous ont dit les savants. Et la mémorisation, pour qu'elle soit ferme, ça demande quoi ? La révision, constamment. Petit 6, al-bahth, al-ilmi, la recherche scientifique, la recherche dans les livres. Ça, c'est quand tu commences à obtenir, quand tu arrives à un certain niveau de connaissance, tu commences à avoir les bases de la science, tu vas rentrer dans quoi ? Dans la recherche scientifique, aller chercher dans les livres. Également, ça fait partie des choses qui quoi ? Qui amplifie ta science, qui amplifie ta science et qui enracine tes connaissances. La recherche scientifique, c'est ce qui va amplifier ta science et ce qui va enraciner tes connaissances. Petit 7. Mulazamatul ulama is-salafiyyin. Le fait de quoi ? De s'accrocher aux savants salafis et de rester constamment avec eux. Naam. Ceci également pour celui qui en a les capacités. Naam. C'est une obligation pour celui qui en a les capacités. Si tu veux devenir un vrai talib al-ilm, alors tu dois partir étudier la science auprès des savants salafis. Petit 8, si je ne me trompe pas, al-amalu bil-ilm, al-amalu bil-ilm, le fait d'appliquer sa science. Car la science, comme nous avons dit, on ne l'apprend pas juste pour dire que l'on connaît, mais on l'apprend pour l'appliquer ensuite, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance. Petit 9, nashrul ilmi wa tablighuhu, yani de propager la science. De propager la science que tu as apprise, que tu as emmagasinée, et de la transmettre à ceux qui ne connaissent pas. Car, comme Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset que nous avons cité tout à l'heure, il dit, les croyants n'ont pas tous à quitter leur foyer, pourquoi même une partie d'entre eux n'irait pas apprendre la science pour ensuite avertir leur peuple. Donc le but, un des buts pour lesquels on apprend, c'est également pourquoi pour transmettre aux gens. Et pour propager cette connaissance que l'on a emmagasinée. Et enfin, petit 10, as-sabr wal-muthabara. As-sabr wal-muthabara fil-ilm. As-sabr wal-muthabara fil-ta'allum wa fil-ta'lim. Yani, l'endurance, la patience et l'endurance, la patience et l'endurance dans l'apprentissage, la patience et l'endurance dans l'apprentissage et également dans l'enseignement. Tu dois patienter et tu dois endurer dans l'apprentissage et tu dois patienter et tu dois endurer dans l'enseignement ensuite de cette science que tu as apprise. Car le chemin de la science est long. Wal ilmu bahrun la sahila lah. Et la science, C'est un océan qui n'a pas de large. Donc, tu dois patienter pour obtenir la science. Et tu dois endurer les épreuves qui vont te venir dans la recherche de la science. Car comme le prophète, comme nous avons dit tout à l'heure, Naam, le chemin de la science, c'est quoi? C'est le chemin du paradis. Et le chemin du paradis, il est, Naam, il est rempli, le chemin du paradis, il est rempli d'embûches. Le chemin du paradis est rempli d'embûches. Donc le chemin de la science, également, il est rempli d'embûches. Car comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Huffat il jannatu bil makarih, wa huffat il nari bil shahawat. Certes, le paradis, hein, le paradis est entouré. Le paradis est entouré d'embûches. Le paradis est entouré d'embûches et de difficultés. Le paradis est entouré de difficultés. Et l'enfer, par contre, est entouré par les désirs et les facilités. Sur ce, je termine donc ce rappel. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل اللهم نسأل الله أن توفقنا لاتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الأمة وأن تعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن والحمد لله رب العالمين